France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha! Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 143. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 28 décembre 2008, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es une rediffusion de la grosse édition spéciale que nous avions consacrée au triomphe de Barack Obama en novembre dernier et qui laisse désormais le champ libre à toutes les utopies. Monsieur Obama, vous avez annoncé un plan d'une ampleur jamais vue. Vous pouvez vraiment sauver l'économie mondiale ? Yes, we can. Ah, vous pouvez mettre un terme à cette crise ? Yes, we can. Et il y a quelqu'un que vous admirez en France ? Yes, Zidane. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici une autre version des élections américaines. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes une petite rediffusion burlesque pour célébrer à nouveau la victoire de l'esprit du mouvement des droits civiques qui favorise bien entendu notre communion laïque au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Eh bien, pêle-mêle, nous redécouvrirons comment les leaders socialistes comptaient bien récupérer l'esprit du Chicago d'Obama pour organiser leur congrès de Reims le week-end suivant. Mais désormais, on connaît le résultat. Et puis, nous nous remémorons quelles ont été les difficultés en novembre dernier d'être journaliste français à New York pour couvrir l'événement de ce début du siècle. Ensuite, nous assisterons une nouvelle fois au combat de boxe qu'avaient organisé pour l'occasion les fantômes de l'INA entre l'éléphant républicain et l'âne démocrate. Dans la foulée, direction Grosboul-les-Bains, où nous nous souviendrons comment Monique et Jean-Claude ont eu une poussée de fièvre obamesque dans la nuit du 4 novembre dernier. Et juste après, nous t'offrirons à nouveau les pérégrinations électorales et nocturnes de notre facétieux reporter qui s'était trimballé toute la nuit dans les rues de Paris. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces élections américaines, notre petit kiosque sévèrement fourni réédite à ce propos son authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et explose la baraque à frites McCain. Yeah! Well, let's go. And I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I know if I take that chance, she swears it's gonna leave. But what I do is the way she dance makes Shawty all right for me. The way she Yeah, c'est l'interjection américaine par excellence que nous offre ici Usher, le frénétique rappeur d'Atlanta. Mais tiens-toi bien, car durant sa campagne, le candidat John McCain nous avait authentiquement déclaré qu'il adorait le style d'Usher. Non mais oh, arrête de nous prendre pour des caves, McCain. Il était vraiment prêt à raconter n'importe quoi pour gagner celui-là. Nous, chez McCain, merci. On aime la pomme de terre. Serge, je vous aime, pomme de terre. Pomme alors on a créé ma purée. Une purée faite avec des pommes de terre soigneusement sélectionnées. Et voilà, une purée onctueuse. Et savoureuse. Ma purée de McCain. Il y a de la magie dans McCain. Bon, désormais, McCain patauge dans la purée et la clepsydre électronique du Mangin Palace, elle, nous annonce qu'il est 11h12, le moment bien sûr de te vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes péripéties de cette grosse édition spéciale consacrée ce matin aux élections américaines. Mais il n'est pas question pour autant de rompre avec notre tradition dominicale puisque nous allons immédiatement débuter par notre petite session freudienne. Et cette semaine, avec Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacrifiant de nos coursives, nous avons été attentifs aux réactions de la gauche française après le triomphe de Barack Obama, ce candidat un petit peu moins à droite que John McCain. Ainsi, découvrons donc ce matin la nouvelle orientation politique des socialistes et l'increvable cynisme affûté des trotskistes. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille car voici pour toi un moment authentiquement fort, à savoir le discours déjà historique, mais illustré, de Barack Obama dans la nuit de mardi à Chicago, ainsi soit-il. Voisin ! Tout d'abord, François Hollande, dans deux jours, nous connaîtrons le nom du prochain président des États-Unis. Un endroit très chouette, vous allez adorer. C'est un événement considérable si Obama est élu. Et vous pouvez me faire confiance. D'abord parce que ça termine 8 ans de présidence Bush. Il aimait beaucoup la nature et il jouait bien au bowling. Ensuite parce qu'il est démocrate. Puis enfin, il a sa couleur de peau. Il sortait d'un taudis merdeux du Bronx. Et je crois que la lumière et l'espace du Vietnam lui avaient carrément défoncé la tête. Et donc savoir qu'aux États-Unis... Ça veut dire quoi, ces conneries sur le Vietnam? Tu veux me dire ce que le Vietnam vient foutre là-dedans? Un président métis peut demain diriger ce grand pays... Quelle est cette étrange musique? Je n'en ai aucune idée. Qui a connu il y a encore quelques années, c'est pas si loin, la ségrégation, le racisme... Quelle que soit cette étrange musique, je suis convaincu qu'elle vient d'en bas. C'est vrai que c'est un événement considérable. Fermez cette robe de chambre et venez. Barack Obama, moment historique, devient donc le premier président noir des États-Unis. Direction Chicago. Hello Chicago. Bonjour Chicago. If there is anyone out there, si quelqu'un ici doute encore that America is a place where all things are possible. Que tout est possible en Amérique. On se pose toujours des questions sur le pouvoir de notre démocratie. Cette nuit, nous avons la réponse. Avez-vous vu la lumière ? Un formidable message d'espoir. Et c'est une, ça prouve que c'est une utopie réalisable. Je sers à madame une coupe de champagne. Wow, rectification, champagne pour tout le monde. C'est la réponse formulée par des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, républicains et démocrates, noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, indiens d'Amérique, homo, hétéro, handicapés, valides. Les Américains ont envoyé ce message au monde. Nous sommes et serons toujours les États-Unis d'Amérique. Je me balade dans la rue peinard sans faire chier le monde ni quoi ni qu'est-ce. Le peuple américain a porté le rêve de Martin Luther King. Y'a un mec qui me donne un grand coup de poing dans la gueule, je tombe par terre. En mettant un président noir aux États-Unis. Je lève les yeux et je vois que c'est Martin Luther King. Je dis, ah docteur, il me dit, je me suis trompé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, pour ma génération en tout cas, c'est quelque chose. Qu'à chaque souffle, il y a de l'espoir. Et lorsque nous sommes pris de cynisme ou de doute ou que certains nous disent que nous ne pouvons pas, nous répondrons que ça se résume en l'esprit de tout un peuple. Oui, on peut le faire. Merci. Que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis d'Amérique. Je peux pas y croire, le bonheur est entré dans mon cœur. Tout le monde, il est beau aujourd'hui. Et vous aussi, après la pluie, le beau temps, un cœur vaillant, rien d'impossible. Avant qu'en France, il y ait des Noirs, des Arabes, des ouvriers, des femmes et des jeunes sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a encore du chemin. Vive l'Amérique! Merci d'abord Moïse, la mer Rouge et Jésus et tout le monde, et moi aussi. Alors, que ce soit du Loir-et-Cher, de Paris ou de Carcassonne, nous avons tous suivi cette semaine en direct, notamment grâce aux nombreux journalistes français présents sur place, cette victoire historique de Barack Obama. D'ailleurs, ici à France Inter, la rédaction m'a envoyé deux loustiques, Nicolas Demorand et Bernard Guetta, que tu as sans doute entendu, mardi et mercredi matin, ils étaient en effet en direct de New York. Eh bien, laisse-nous te raconter les coulisses de cette grosse expédition outre-Atlantique de nos deux journalistes vedettes. Primo, ils ont atterri à l'aéroport JFK samedi dernier vers 14h, heure locale. Et dans le taxi jaune qui les conduisait à leur hôtel sur Manhattan, Nicolas Demorand a voulu vérifier avant tout si son coéquipier, M. Bernard Guetta, était réellement bilingue en anglais, comme il le lui avait assuré au départ de Paris. My client. My client. My client. Client. Client. Would like to see the president. Moi, Charlot, t'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où l'anglais? Au lycée. Ah, parce que t'as été au lycée, toi? Jusqu'en 8e. Continue. In a few minutes, I am sure we will see us. He will even want badly to see us. Arrête, ça va. C'est bien ? Très bien. Très bien. Ouais. Enfin, Nicolas Demorand était tout de même très inquiet à l'idée des interviews en anglais qu'ils devaient faire l'un et l'autre à l'antenne dans les jours à venir. Toujours est-il qu'en arrivant à Times Square, Bernard Guetta, lui, était super content d'être à New York avec Nicolas Demorand. C'est si bon d'être célibataire, c'est si bon de garder sa gaieté, de toujours diriger sa galère, en virant avec le vent la liberté. Immédiatement, Nicolas Demorand a tout de même rappelé à Bernard Guetta qu'ils étaient surtout venus ici pour bosser et couvrir les élections américaines pour les auditeurs de France Inter. Consciencieux, dès lundi matin, M. Guetta a alors mis au service de la rédaction toute son acuité d'analyste géopolitique. Et c'est ainsi que pour préparer le premier direct de mardi matin, M. Guetta a donc commencé par décortiquer les derniers discours de Barack Obama. Yes, I can! Yes, I can! Marie, c'est confirmé, Obama sera à Cannes cette année. Elle l'a dit, il y a sa Cannes. Oh là là là là. Effrayé par la tronche des analyses de Bernard Guetta et par la tournure que prenaient les événements lundi soir, Nicolas Demorand a alors essayé de trouver une solution pour combler Fissa les lacunes en anglais de son acolyte. Soutenu par les techniciens de Radio France, Nicolas Demorand s'est donc improvisé prof d'anglais pour M. Guetta. Non, levez-vous, levez-vous, levez-vous, s'il vous plaît. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation? My flowers are beautiful et my flowers are not. beautiful. Vous voyez. Alors, traduction. Blanche d'Azur. Mes fleurs sont belles. Très bien. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. Oui. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos fleurs sont en tarte. Tarte, miaou. Excuse me, I am sorry. Sortez. Your attitude is not just. Excédé par l'esprit potache de Bernard Guetta, Nicolas Demorand s'est donc fâché et l'ambiance devenait sacrément tendue à l'approche du premier direct de mardi matin. Et du coup, tu comprends un peu mieux pourquoi M. Demorand, alors qu'il était en direct de New York, n'avait en plateau que des invités américains francophones. Tu t'es dit, c'est bizarre, autant le faire de Paris. Mais c'était parce que Bernard Guetta ne parle pas l'anglais, pépère. Voilà pourquoi. Pauvre Nicolas, figure-toi qu'il s'est senti bien seul mardi dernier au cœur de la nuit new-yorkaise. 7-10 spécial, en direct de New York, Nicolas Demorand. Je suis un survivant, je vis à New York. Oui, à New York, où le 7-10 s'installe donc pour 2 jours. J'émets sur toutes les ondes courtes. Nos fenêtres donnent sur les néons de Times Square et les gratte-ciels, paysages urbains toujours aussi impressionnants. Surtout en pleine nuit, il est 1h15 du matin. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, je vous en supplie, vous n'êtes pas seul. 01 45 24 7000, voilà, vous avez le programme. Good night America, bonjour la France. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi, quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Il est 7h15 chez vous, à tout de suite. Et oui, avec le décalage horaire, c'était le cœur de la nuit à New York pour le 7-10, triste sort. Mais bon, le premier direct s'est bien passé. Et dans la foulée, Nicolas a alors proposé à toute l'équipe de France Inter de venir boire un coup dans sa chambre, il est sympa Nico, avec vue sur Times Square, histoire de fêter ça. Mais là, comment dire, Bernard Guetta s'en voulait, il avait le cafard et il s'est allongé sur le lit du chef Nicolas Demorand. Aïe, mais dites donc, mais vous venez vous coller sur mon lit, vous, non, vos souliers. Oui, il y a un faut pas être égoïste quand même. C'est mon lit. Non, excusez-moi, mais j'avais comme un coup de cafard. Mais je m'en fous. Non, ce qui me manque, voyez-vous, c'est... Vous avez dû dire, vous pas ici, hein. Ah non. Ce qui me manque, c'est la discipline. Il a raison, chef. Ça se relâche. Tiens, souvent le soir, je me suis surpris à me poser la question. Mais qu'est devenue ta raison d'être? Eh oui. Là-bas, chez nous, la population nous asticote. Mon Dieu, comme tout ça est loin. Oui, Bernard Guetta ne se sentait pas très bien dans la nuit de mardi. Et après avoir bu un whisky avec toute l'équipe d'Inter dans la piole de Demorand, il est descendu pour fumer une dernière clope sur le trottoir au bas des gratte-ciel de Manhattan endormi. C'est ainsi que Bernard Guetta, figure-toi, n'est pas remonté dans sa chambre mardi soir. Gros coquin, il est allé s'encanailler dans les bas-fonds new-yorkais. Et crois-moi si tu veux, mais au Pussycat Lounge, une boîte très sympathique, il est tombé sur Dominique Strauss-Kahn, dit donc, le patron du FMI, avec qui il a discuté géopolitique américaine, bien sûr, et ce, jusqu'à l'aube. Enfin, ils ont aussi évoqué la sale affaire dont a été victime DSK, qui a fini par avouer à Bernard Guetta que, ok, il a été blanchi pour la hongroise à Washington, là, mais qu'en réalité, franchement, il n'est pas sorti de l'auberge, hein. Poursuivi en Californie, recherché à Buffalo, interdit à Kansas City pour chasser dans l'Ohio, condamné au Mississippi et dans l'état de Cheyenne, il y a partout un ami qui aimerait me pendre à son chêne. Oui, c'est vrai que j'ai des ennuis, mais je ne regrette rien, car j'ai eu dans cette vie bien plus que je n'avais besoin. Alors, personne ne sait comment s'est terminée la nuit new-yorkaise de ces deux lascars, mais comme moi, tu as constaté combien Bernard Guetta avait beaucoup plus la patate mercredi matin à l'antenne. Et d'ailleurs, après ce second direct, au cœur de la nuit, toujours dans la piaule de Nicolas Demorand, M. Guetta n'avait plus du tout le cafard. Au contraire, il ne voulait plus rentrer à Paris, pépère. C'est notre tour à Paris qui me fait peur. On va se retrouver chacun dans notre petit coin, les riches avec les riches, et les clodois avec les clodos. Résultat, je te verrai plus. Ici, c'est pas la même chose. Un copain, c'est un copain. La soupe, c'est peut-être de la flotte. Mais au moins, on la bouffe ensemble. Et je te répète qu'à Paris, on continuera à la bouffer ensemble, ta soupe. La différence, c'est qu'elle sera plus épaisse. Mais non, monsieur Demorand, votre 7-10, ce n'est point de la soupe. Loin s'en faut. Et grâce à vous, entre autres, pour ces élections américaines notamment, notre belle radio peut continuer à chanter sincèrement sa différence. Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça. Et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple. Du moins ce que l'on croit. Du moins ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, quand c'est coup-ci, coup-ça, à deux toujours, c'est bien mieux que sans toi. C'est bien mieux que sans toi. La vie à deux, c'est ce que nous propose cette année Zaza Fournier, alors que c'est la vie de Pacha qui commence pour le lauréat du prix Femina, Jean-Louis Fournier, qui fut le complice de Pierre Desproges dans la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède et qui fut aussi le créateur d'une vache inoubliable. Allô ? Allô ? C'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô ? Bonjour, docteur. La Noiraude à l'appareil. Bonjour, la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Docteur, je voudrais être une biche. Alors, après notre coup de projecteur sur les conditions de vie difficiles de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, suivi d'un intermède bovin, la panique au Mancha Palace ouvre maintenant à 11h28 la séquence consacrée aux informations du lointain. Parce que cette semaine, parmi le brouhaha des voix archivées de Lina, on a pu entendre Brer, puis Barir, puis Brer à nouveau. En effet, comme tu le sais, aux États-Unis, chacun des deux grands partis possède un animal comme mascotte. C'est un âne pour les démocrates et c'est un éléphant pour les républicains. Deux figures bien distinctes du monde animal et qui se livrent tous les 4 ans un combat acharné. Eh bien justement, cette semaine, notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, a observé la défense percée de l'éléphant républicain face aux ruades de l'âne démocrate. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Ces dernières semaines, même l'INA était américaine. Les voix ne parlaient que de ça. Qui serait la prochaine mascotte de la plus grande puissance mondiale ? L'âne démocrate ou l'éléphant républicain ? Alors, elles ont organisé un combat entre John McCain et Barack Obama, chacun défendant son animal fétiche. Mais avant que le spectacle commence, les adversaires sont montés sur la balance pour la pesée réglementaire. Attesté par la bascule. 4 mètres de haut, 7 500 kilos de grandes oreilles, deux doigts au bout de la trompe. Les ânes font 1,45 m de moyenne. Et alors, surtout l'ossature. Vous pouvez voir les canons de ces ânes, ils arrivent à faire 20-21 de tours de canon. Bonsoir à tous, bonsoir cher public. Vous êtes les bienvenus au Madison Square Garden pour ce grand événement. John McCain sait qu'il a un avantage de poids, sa taille. Alors, il tente d'intimider son adversaire. La placidité de l'éléphant, c'est une image en rapport avec sa tranquillité. Mais c'est un animal extrêmement redoutable parce qu'il a un comportement imprévisible. On ne sait jamais où l'éléphant s'arrêtera quand il menace. Échauffé par cette première victoire, Sarah Palin monte sur le ring et décoche à Obama un de ses coups bas dont elle a le secret. L'âne braie, ce qui se fait avec un grand cri très long, très désagréable et discordant par dissonance alternative de l'aigu au grave et du grave à l'aigu. L'âne démocrate esquive le coup et balance à l'éléphant un uppercut désarmant. Le long des chemins, l'âne s'avance, chargé, battu, soumis. Il est l'esclave, employé aux tâches quotidiennes les plus rudes. Souvent méprisé, partout présent, l'âne joue tous les rôles. John McCain ne sait plus où donner de la tête. Sa défense s'effondre. Mais quand il y a des réunions de 100 ou 200 éléphants, ça dévaste tout sur son passage, non ? Oui, il faut reconnaître que l'éléphant a quand même un gros inconvénient. La patrouille des éléphants républicains arrive pour secourir son chef et attaque l'âne démocrate à coups de questions insidieuses. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'un âne mériterait le titre de première mascotte mondiale ? Et Barack répond du tac au tac. Parce que une tête d'âne, des yeux, un regard d'âne, c'est admirable. Et qu'un regard d'âne ressemble souvent à un regard de juge. Parce que j'ai souvent songé aux communications secrètes qui peuvent exister entre un animal comme l'âne et nous. Un âne. Et après sa victoire, Obama a expliqué aux journalistes comment il avait choisi l'âne démocrate plutôt que l'éléphant républicain pour des questions économiques. Dans les réserves du Kenya, il y a de plus en plus d'éléphants. Alors il y a eu crise de branches d'acacia. Toutes les branches qu'une trompe d'éléphant peut atteindre sont cassées. Il ne reste plus que le touffu du haut. Alors que fait l'éléphant ? Il casse l'acacia. Résultat, il y a actuellement au Kenya des forêts entières d'acacia qui sont détruites, les arbres cassés à 1 mètre du sol. Or, un acacia, ça met au moins 15 à 20 ans à repousser. Et pendant ce temps-là, les éléphants n'ont plus rien à manger. Alors que faire ? Exaspéré par sa défaite, John McCain était prêt à tirer sur tout ce qui bouge, même si ce qui bouge est dans son propre camp. Monsieur l'éléphant, vous savez, à force de craquer le gibier, hein, il s'installe entre l'homme et la bête une sorte de complicité sourde, une émotion toujours nouvelle. Mais bon, c'est les tragiques destins de la chaîne de la vie. Hein. Manger ou être mangé, eat or not to be eat, c'est la loi des carnassiers. Allez. Merci Flora Bernard pour ce fascinant récit du combat des ânes et des éléphants qui braient et qui barrissent dans les sous-sols de l'INA. Là-bas, parce que c'est clair, la bannière étoilée semble depuis quelques jours un peu moins terne. Mais bon, sans vraiment quitter l'esprit états-unien, revenons dès à présent à nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h34, il est grand temps de retrouver en direct live from USA nos valeureux héros dignes du Grand Ouest américain, à savoir Calamity Monique et Jean-Claude The Kid. En effet, mardi dernier, Monique et Jean-Claude ont suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion le dénouement de la campagne électorale américaine. Et oui, à Grosboul-les-Bains, comme dans le reste du monde depuis des mois, tout le monde a les yeux rivés sur l'ascension fulgurante de Barack Obama. Et surtout Jean-Claude, qui lui, depuis un bon moment maintenant, se sent en symbiose totale avec l'Amérique, puisque sa boîte mail est inondée de messages qui lui viennent tout droit des States. Je me sens d'autant plus concerné que je suis moi-même américain, hein, de sensibilité. Hein, hormones de croissance, Viagra, enlargure pénis. Vous gagnez 3 bons centimètres, hein, a priori définitif. Je vois pas bien le rapport entre l'American Dream, Las Vegas et les caquettes qu'on rallonge. Non mais oh, c'est quoi cette façon de parler à son père ? Rétorque Jean-Claude à Elsa. D'ailleurs, Jean-Claude explique immédiatement à sa fille que son amour pour les States est ancré en lui depuis sa plus tendre enfance. Quand j'étais cowboy, dans les plaines de l'école, je conduisais des troupeaux, des convois de chariots remplis de chocos dans la grande prairie du Missouri jusqu'au Mississippi. Oh, oh. Quand j'étais cow-boy. C'est alors qu'intervient Rémi, le fils de la famille. Car lui aussi, quand il était tout gamin, bien entendu, il a joué au cow-boy dans la cour de récré à l'école. Mais bon, maintenant qu'au bahut, il y a des correspondantes venues tout droit de New York, New York, USA, ben, sa vision de ce peuple a fortement évolué. Hello, debout. Debut. Debout ? Mais non, debut. Boo, c'est marqué, boo. C'est un cookie, ça. Et c'est américain, ça. Oh, oh non, c'est français, ça pue. Mais non, ça pue, Lulu. C'est ton copain qui me fait cocu. Il te fait coucou, le copain. C'est ce que j'ai dit. Il me fait cocu. Non, il te fait cocu. Il te dit bonjour, quoi. Bon, allez, embrasse-moi dans le cou. Dans le cul ? Hello, debout. C'est moi, je suis couché. Bon, moi, l'année prochaine, je prends une correspondance espagnole. Hein. J'en peux plus, moi. J'en ai plein le cou, plein le dos, quoi. Et ouais, c'est fastoche de se foutre de la tronche des ricains, hurle Jean-Claude, qui lui a fait son choix. C'est vrai, j'ai fait mon choix, je suis français, made in USA. Oh oui, j'ai fait mon choix, je suis français, made in USA. C'est vrai, je suis comme ça, je suis français, made in USA. Oh oh, cocorico, oh oh, cocorico, oh oh, cocorico, oh oh. Français made in USA, c'est ce que revendique Jean-Claude, qui veut faire comprendre à Rémi que, comme le disait le poète, si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Et que surtout, lui, Rémi, il n'existerait peut-être pas, parce qu'il doit le savoir, papa et maman, quand ils ont fricoté ce jour-là, ben... C'est bon, on a compris la musique, le relou là, s'écrie Rémi, qui constate stupéfait que ses parents sont en train de décorer le salon pour suivre en direct et en pleine nuit les résultats de l'élection présidentielle américaine. Jean-Claude a foutu un peu partout des bannières étoilées et Monique a fait du pop-corn habillé en pom-pom girl. Et oui, Jean-Claude est chaud tout autant que Monique. La soirée chez Monique et Jean-Claude s'annonce chaude pour mater en direct le résultat de l'élection présidentielle américaine. Parce qu'à la vérité, nos deux héros bien européens ont succombé comme il se doit dans l'Obamania. D'ailleurs, Jean-Claude, debout sur la table du salon, s'époumonne pour dire à quel point il est en étroite communion avec le candidat démocrate. C'est moi, je suis le nègre blanc. Ah ben oui, c'est un peu la honte pour Rémi et Elsa de voir leur daron en transe. Les mômes préfèrent donc filer dans leur piôle pendant que Monique et Jean-Claude s'installent sur le canapé du salon pour voir en direct à la télé la victoire annoncée d'Obama. Mais à 3h du mat, Monique s'assoupit et Jean-Claude pique du nez. Quand soudain, en plein cœur de la nuit, la nouvelle tant attendue tombe, Obama est élu président des États-Unis. L'émotion est intense. Bientôt, la Terre va entendre ces mots. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Pour chaque Américain, comme pour tous les habitants du monde, c'est la journée où ils ont ressenti le plus de fierté de toute leur vie. Et c'est un moment sans prix dans l'histoire de l'homme. Voilà, c'est fait, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis d'Amérique. Monique a des frissons partout et Jean-Claude verse même une petite larme d'émotion. Il est 5h du matin, Jean-Claude prend Monique par la main. Il se sent plein d'espoir pour l'avenir et il l'embrasse sur la bouche. Grâce à Obama, on est enfin débarrassé de l'encombrant et dangereux George Bush, pour qui il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris, et c'est fini. Oh, oh, oh, oh. Ça me rend fou, j'ai cru. Je perds tout. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour tout jusqu'au bout. Changer, je le trouverai. Il ne faut plus en douter, il faut essayer. Noir, c'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour moi, tu gris, je n'en peux plus dans ma vie. Oh, oh. Ça me rend. Je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Waouh! À l'instant de la vérité, pourquoi en douter? Noir, c'est noir. Il me reste l'espoir. Oui, gris, c'est gris. Je ne veux plus d'ennui, oh, oh. Ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. C'était la prophétie, bien sûr, de Johnny Hallyday dès 1966. Toujours un coup d'avance, Johnny. Alors, quand une chanson, mon vieux, pour l'étape suivante à la Maison Blanche après Obama? Je m'appelle Mohamed, je suis du lotissement. Je défends les valeurs américaines. God bless America. Bless. Alors maintenant, toujours en direct du Mancha Palace, à 11h45, il est l'heure de poursuivre notre édition spéciale consacrée aux élections américaines par notre petit reportage Made in Panic, mais qui n'a rien à voir cette semaine avec le merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Encore que. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, s'est mis en tête d'arpenter quelques endroits de Paris afin de savoir comment notre capitale vivait cette élection américaine. africaine. Et tu vas constater que ce reportage pourrait être également qualifié d'ornithologique, tant nous allons croiser de drôles d'oiseaux. Ainsi, après la virgule, découvrons quelques Français qui se sont sentis directement concernés par ce rendez-vous électoral crucial de l'outre-Atlantique. Je sais ce que tu te dis, l'ami, mais pourquoi donc nous reparler aujourd'hui, dimanche, de la soirée électorale de mardi, vu que, oui, on sait déjà qui a gagné. Yes, we can ! Le slogan devient réalité. Ça y est, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis, le premier président noir, c'est historique. Sauf que tu ne sais pas tout. Dans la nuit de mardi à mercredi, il soufflait dans notre capitale comme un vent de folie. Et dans les rues, au food truck se succédait le n'importe nawak. Change we can believe in, yes we can, enfin je veux dire enfin. 22h30, dans un établissement à la déco obamesque, première surprise, les jeunes du nouveau centre s'adonnent à un petit jeu autour de leur gourou et néanmoins ministre de la Défense, Hervé Morin. Combien de voitures possède John McCain ? 8, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Le ministre Morin qui flait... Big Mac. Vous commencez par manger un cheeseburger et après la suite c'est quoi? C'est dans le dîner de ce soir forcément le cheeseburger et rien d'autre après parce que ça suffit. Dehors, dans les rues de Paris, on est aux States. Minuit, bim, dans la rue, rencontre avec une nouvelle star. Please. C'est pas ma faute à moi. 3h du matin, dans une boîte parisienne, on ne peut plus rentrer. Oh my god! À l'intérieur, un jeune militant PS. Cette fois, c'est sûr. Ça tombe bien que vous soyez militant PS parce qu'en rentrant, je me suis dit, il y a tout ce monde-là pour créer un buzz pour le congrès de Reims. Non, c'est pas pour le congrès de Reims. 4h du matin, on a enfin trouvé l'oiseau rare, le mouton à cinq pattes, le trader communiste. Oui, rencontre avec le supporter de McCain. Vous n'avez pas l'impression d'être le seul quand même ici ce soir, par exemple, à arborer un badge McCain? Concrètement, à ce que j'ai compté, nous sommes deux. L'envie m'a pris de balancer ma serviette, renverser la table et de prendre mes jambes à mon cou. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bush aujourd'hui? Je pense que George Bush a fait un très bon travail. Simplement, il a été attaqué par les médias encore et encore. Aujourd'hui, il est obligé de subir les conséquences financières de la politique de Bill Clinton, puisque Bill Clinton a dit il y a 3 mois, concrètement la crise des subprimes, c'est la loi que j'ai fait voter en 1993 et que les démocrates soutiennent et défendent depuis. Comment Barack Obama en 2006 a refusé la réforme des subprimes quand John McCain la voulait. Donc George Bush subit les conséquences de la politique démocrate. Ceux qui pensent parmi vous que le président est apte à exercer ses fonctions votent oui. Ceux qui pensent qu'il ne l'est pas votent non. Seule l'histoire jugera la capacité d'Obama à répondre aux espoirs légitimes que son élection vient de soulever. Quoi qu'il en soit, dès mardi soir, sa victoire est immédiatement entrée dans l'histoire. Le premier black américain élu président. Souviens-toi, le siècle avait débuté par un événement historique tragique, le 11 septembre, qui avait permis à W. Bush de mener une politique pour le moins discutable. Alors souhaitons que cette élection du 4 novembre vienne corriger ses erreurs. D'autant que cette victoire est une authentique prouesse. Jusqu'au dernier moment, tout le monde craignait qu'Obama n'y parvienne pas. Certes, la route fut longue et pourtant, ne l'oublie jamais, il l'a fait. Yes, we can. Oui, vous êtes toujours favori, vous pouvez remporter l'élection. Yes, I can. Vous pensez que les Américains pourraient élire un noir président? Yes, they can. Sinon, vous êtes venu comment jusqu'ici? En bacon. Hey, domino, I'm stopping you from falling. 1, 2, 3. Sticks and Stones. Ce sont les New Yorkais The Pierces sur leur album intitulé 13 Tales of Love and Revenge. Sticks and Stones, parce que Sarah Palin, après avoir astiqué les mauvais penchants de l'Amérique, bah aujourd'hui, elle est complètement stone. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité américaine. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à ces élections américaines, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse de cette élection américaine, camarade ? Eh bien, vous savez, cette semaine, la presse est imbibée du surhomme Obama comme un gros baba peut l'être de rhum. Et tout d'abord, on peut complimenter Le Parisien aujourd'hui en France de lundi dernier, la veille de l'élection, donc qui a consacré sa une au grand perdant de la présidentielle, avec ce titre énorme. Va-t-on travailler jusqu'à 70 ans ? Eh oui, chez nous, le grand perdant, c'est évidemment le salarié qui court après sa retraite. Comme toujours. Comme toujours, et il est pas prêt de la rattraper. Alors d'ailleurs, à la une du même journal, sous le titre « Travailler jusqu'à 70 ans », le Parisien est un peu taquin. Il a placé une photo de John McCain, 72 ans, avec le titre « Il y croit encore ». Et on n'était que lundi, et depuis, on sait que nos amis d'Amérique sont des gens raisonnables et qu'ils ont préféré offrir à peu une retraite paisible, à un âge où on a envie de profiter de la vie de ses petits-enfants, de voyager, et surtout de fuir l'insupportable Sarah Palin. Il doit être soulagé. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, ils sont vraiment, vraiment raisonnables, les ricains, et surtout, ils respectent l'honneur. L'honneur des stations d'épuration. En tout cas, c'est ce que nous apprend la version électronique du San Francisco Chronicle, parce que, vous savez, le San Francisco Chronicle, je l'ai mal dit. Oui, non, mais ouais, j'ai du mal avec le bon anglais. Parce que, bon, vous savez, les électeurs, on leur demande de choisir un président, bien sûr, mais on leur pose plein de petites questions locales. Et en Californie, on a demandé s'ils acceptaient de changer le nom de la station d'épuration de San Francisco pour la rebaptiser Station George Bush. C'est pas vrai. Ah oui, mais ils ont dit non, 60% ont dit c'est pas possible. Une station d'épuration, ça a son honneur, c'est utile, ça fait du bien aux gens, ça s'insulte pas. Donc pas de station d'épuration George Bush. Et vous voyez, c'est dommage. Mais bon, si cette station a été au cœur des préoccupations des Californiens, à New York, on regardait plutôt l'Empire State Building. Parce que ce gratte-ciel s'illumine aux couleurs du vainqueur le soir de l'élection, bleu pour les démocrates et rouge pour les républicains. Et à l'annonce du résultat, bah évidemment, il est devenu tout bleu. C'est une tradition qui remonte à 1932, quand le démocrate Franklin Roosevelt a été élu président. C'est le président qui a été élu juste après le krach de 29, donc en pleine crise. Et d'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que le nouveau président américain peut sortir le pays de la crise financière ? Pour ça, j'ai regardé le quotidien communiste L'Humanité du 8 novembre. Et qu'est-ce qu'on voit à la une de L'Humanité ? Vous n'allez pas me croire, ils sont complètement fous. En gros titre, le 8 novembre dans l'UMA, aujourd'hui aux États-Unis, élection sous le signe de la débâcle, du chômage et de la famine. Alors, bien sûr, c'est excessif. Énormément, parce que c'est le numéro de L'Humanité du 8 novembre 1932. Ah oui, avec à la une photo de William Foster, le candidat du Parti communiste américain, accompagné de James Ford, son colistier, un noir, le premier noir afro-américain candidat à la présidentielle comme vice-président. Bon, alors c'était en 1932 et le Parti communiste américain existe toujours. Bon, je pense qu'il est aussi influent que le PCF chez nous. Ça existe encore ? Oui, ça existe toujours. Je le note. Bon, alors vous avez remarqué, aucune attention n'est portée aux petits candidats. Par exemple, Ralph Nader, le candidat indépendant, écolo et très critique envers le capitalisme, lui, il a obtenu que 0,5% des suffrages. Mais c'est bien d'en parler quand même. Parce que Ralph Nader, il était là, c'est la quatrième fois qu'il est là et c'est un candidat intéressant. C'est intéressant, mais les médias n'adhèrent pas d'ailleurs à ces petits candidats. Ils préfèrent les paillettes des grands partis. Et bon, d'ailleurs, question paillettes, Barack Obama a provoqué une petite révolution. Ah,